s'est effacé. Mais qu'importe le sens, c'est un acte arriéré. Une seconde seulement d'instabilité. Ouvre le néant, fait tout exploser. Les cœurs sont en cendres et le temps s'arrête. On a beau attendre, la vie ne peut renaître. Elle est emportée pour un autre monde. Ici, pas le vide, mais l'effet du fond. Un jour sans soleil vient de commencer. La lumière du ciel. Sang-froid est la base du drame. Un fou dans les froids fait couler les larmes. La tristesse laisse place à des cœurs de glace. Le pire des délits vient d'être commis. Il devra payer, mais ça ne changera rien. Il peut tout donner.